Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita. Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous ce soir. Et on donne le coup d'envoi avec un pionnier, John Anderson, qui, avec la complicité de musiciens américains qui travaillent sous le nom de The Band Kicks, ben, ils viennent de lancer un premier album qui a pour titre True. Donc c'est John Anderson and The Band Kicks. Tout ce beau monde est en tournée depuis le mois de mai avec la tournée Yes, Epics, Classics and More, ce qui donne déjà un bon indice de la direction musicale de ce nouvel album qui renoue avec le Yes des années 70. Et puis Marc, par la suite, on a une nouveauté québécoise. En effet, c'est la formation House, ou Hui, il y en a même qui le prononcent Huis, qui présenteront le 15 octobre prochain leur quatrième disque intitulé In the Face of the Unknown. On peut déjà précommander leur album à partir de leur page web sur Unicorn Digital. Ce qu'on aura pour vous ce soir, c'est la pièce Westminster Bridge, et ce sera suivi d'une formation française, Frantic, qui feront paraître le 27 septembre prochain leur nouvel album A Brand New World. C'est un projet qui a été initié par Anne-Claire Rallot, qui faisait partie de Nine Skies et qui fait partie également de Solace Supplice. Et on aura pour vous ce soir la pièce On the Run. Mais comme vous le disait Michel, on débute d'abord l'émission avec une pièce du nouveau disque de John Anderson. It's enough to stick around looking for it. It's enough to challenge it, took around. Once upon a time you were looking for, dance around it, tick-a-tie, tick-a-tay. Cup of sound now, chick around, everything now moving out, moving out. Once upon a time you were searching for, dance around it, tick-a-tie, tick-a-tay. Cup of sound now, chick around, everything now moving out, moving out. Once upon a time you were searching for, dance around it, tick-a-tie, tick-a-tay, tick-a-tie, tick-a-tie, tick-a-tay. Cup of sound now, took around, everything now moving out, moving out. Once upon a time you were searching for, dance around now, tick-a-tie, tick-a-tay. Cup of sound now, took around, everything now moving out, moving out. It's enough to stick around, looking for it. It's enough to challenge it, look around. passion can be like. Come on, sister, truth is forevermore. Mystical magic that changes like a miracle. Always reaching for the stars. Reaching out for everyone. We dance, we fly. Into an endless sky. We love, we sing, we soar on broken wings. It's enough to sit around looking for it. It's enough to challenge it. Look around. Once upon a time you were searching for it. Here we go to the heart of the sunrise. Clear.

take me away. Carried you right there where I stood on Westminster Bridge. On this fateful and tragic day. Oh, oh, oh. Westminster. De retour à Terra Incognita avec Marc Chaunet et Michel Bilodeau, on donne le coup d'envoi de la seconde demi-heure avec un groupe ontarien, Monarch Trail, et c'est un extrait de leur quatrième album, Four Sides, et on aura la pièce 20K, et puis des États-Unis, Sonus Umbra, avec un nouvel album qui a pour titre White Out. C'est le second extrait de ce septième album qu'on vous présente. Et puis Marc, par la suite, on se retrouve en Espagne. Oui, en effet, avec la formation de Foxholes. Ils sont de Barcelone et ont fait paraître hier, donc le 6 septembre, leur 11e album en carrière qui a pour titre Flora y Fauna. On aura pour vous ce soir la pièce El Propi Misteri, et ce sera suivi d'une formation du Mexique qui a pour nom The Echo Veils. C'est un projet issu de la collaboration de Guillermo García Herreros, qui était du groupe Electrocompulsive Therapy, et également de Policarpo Elizondo. Et c'est un projet musical qui se veut assez intime dans un format chanson, avec des atmosphères assez planantes. On aura pour vous ce soir la pièce Last Exit. Mais comme vous le disait Michel, on débute d'abord ce bloc musical avec la formation canadienne Monarch Trail. Thank you. el teu temps ja poc et quedava. Què has après? Potser el malgastaves. Recordar que tu no manaves i la pell veies que mudava. La teva aposta, calla ja, si saps la resposta. El teu joc de mosca o tosca mai serà molt bona proposta. To nowhere. De retour à l'émission Terra Incognita. Dans le prochain bloc musical, on aura entre autres deux pièces du premier album du pianiste russe Gleb Koliadine, album éponyme paru en 2018. On aura également un triplé italien avec les formations Banco del Mutuo Soccorso, tiré de leur avant-dernier album Transsiberiana, paru en 2019. On aura également une pièce du plus récent album de la formation Favera Vola, qui ont débuté à la fin des années 90. Ils avaient fait paraître un premier album en 2006 et leur plus récent, qui a pour titre Castrum Zumelarum, est paru cette année. On aura la pièce La Tessa et également une pièce de la formation Semiramis qui n'avait fait paraître qu'un seul album dans les années 70 et qui ont fait un retour cette année avec leur album La Fine Non Esiste. Et pour débuter le bloc musical, Michel, une formation de l'Ukraine qui joue beaucoup à l'émission. Et ce n'est pas sans raison, parce qu'il faut bien reconnaître que M. Anthony Kalugin, et oui, il est question de M. Kalugin, indéniablement un talentueux musicien, ça je pense que personne n'en doute. Il multiplie les projets avec une aisance, ma foi, assez surprenante, passer de Hogwash à ses projets personnels pour passer par la suite avec Carfagen, et tout ça avec une aisance qu'on pourrait qualifier de déconcertante. Ce soir, on vous propose un extrait du plus récent album de Carfagen, qui a pour titre Land of Chameleons. J'ose pas numéroter l'album parce que la discographie de Carfagen est très complexe, et on écoute la pièce Land of Chameleons. In the land of chameleons, where mask and scream, illusions reign in a world of ignorance and shame. Fakes and confusions, they never end the game. Seek for the truth, but it always seems vain. Burning them.

Non è giusto, ma prenderò se la preda. Guarda i suoi occhi così capirai. Lui è convinto di essere un uomo. Scappa, scappa, corri, dai, dai. Scappa, scappa, dai, dai. Cacciano il branco perché hanno paura di te. Dans le prochain bloc musical, on aura entre autres la formation canadienne Half Past Four, et ce sera un extrait de leur plus récent album Good Things, paru en 2013, si on ne compte pas le mini-album paru en 2016. La formation est toujours active, ils travaillent sur de nouvelles pièces. En attendant, on aura pour vous ce soir la pièce Landmines. On aura également la formation suédoise Gösta Berlings Saga, et ce sera un extrait de leur second disque, intitulé Detta är Hunt, paru en 2009. Ils ont 6 albums à leur actif, et sur cet album-là, il y avait la participation du batteur Mathias Olsson. Et pour débuter le bloc musical, Michel, on aura aussi une formation qui comprend dans ses rangs Mathias Olsson. Oui, la formation californienne Isobar peut compter sur les services de Mathias Olsson. L'ex-Anglagarde a contribué aux 4 albums du groupe. Ce soir, on vous propose un extrait du plus récent qui est tout simplement intitulé Isobar 4 et on écoute à l'instant la pièce Startling Over. We'll be right back. conclure l'émission ce soir, on a retenu la formation québécoise Néodyme, un groupe qu'on a eu le plaisir d'accueillir dans le cadre du Festival Terra Incognita il y a pas mal d'années. Et on va voir un extrait de leur album La Tour qui est paru en 2010 et le titre de la pièce c'est Casse-tête. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. Merci d'être fidèle au rendez-vous. Et on vous invite à nous revenir la semaine prochaine. On aura encore plein de bonne musique à vous offrir. Restez à l'écoute de CKRL. L'autoroute suit dans quelques instants. Thank you.